Chapitre 8. Départ de Vienne. Obligé de choisir, je me décidai pour la Galicie, qui me conduisait au pays que je préférais, la Russie. Je me persuadai qu'une fois éloigné de Vienne, toutes ces tracasseries, suscitées sans doute par le gouvernement français, cesseraient, et qu'en tout cas je pourrais, s'il était nécessaire, partir de Galicie pour regagner Bucarest par la Transylvanie. La géographie de l'Europe, telle que Napoléon l'a faite, ne s'apprend que trop bien par le malheur. Les détours qu'il fallait prendre pour éviter sa puissance étaient déjà de près de 2000 lieues. Et maintenant, en partant de Vienne même, j'étais réduite à emprunter le territoire asiatique pour y échapper. Je partis donc, sans avoir reçu mon passeport de Russie, espérant calmer ainsi les inquiétudes que la police subalterne de Vienne concevait de la présence d'une personne qui était en disgrâce auprès de l'empereur Napoléon. Je priai un de mes amis de me rejoindre en marchant jour et nuit dès que la réponse de Russie serait arrivée, et je m'acheminai sur la route. Je fis mal de prendre un tel parti, car à Vienne, j'étais défendu par mes amis et par l'opinion publique. Je pouvais de là facilement m'adresser à l'empereur ou à son premier ministre. Mais une fois confiné dans une ville de province, je n'avais plus affaire qu'aux pesantes méchancetés d'un sous-ordre qui voulait se faire un mérite de ses procédés envers moi auprès du gouvernement français. Voici comment il s'y prit. Je m'arrêtai quelques jours à Brune, capitale de la Moravie, où on retenait en exil un colonel anglais, M. Mills, homme d'une bonté et d'une obligeance parfaite, et, suivant l'expression anglaise, tout à fait inoffensif. On le rendait horriblement malheureux, sans prétexte et sans utilité. Mais le ministère autrichien se persuade apparemment qu'il se donnera l'air de la force en se faisant persécuteur. Les avisés ne s'y trompent pas. Et comme le disait un homme d'esprit, sa manière de gouverner, en fait de police, ressemble à ces sentinelles placées sur la citadelle de Brune, à demi détruite. Il fait exactement la garde autour des ruines. À peine étais-je à Brune qu'on me suscita tous les genres de tracasseries sur mes passeports et sur ceux de mes compagnons de voyage. Je demandai la permission d'envoyer mon fils à Vienne pour donner à cet égard les éclaircissements nécessaires. On me déclara qu'il n'était pas permis à mon fils, plus qu'à moi, de faire une lieue en arrière. J'ignore si l'empereur d'Autriche ou M. de Metternich était instruit de toutes ces absurdes platitudes. Mais je rencontrai à Brune, dans les employés du gouvernement, à quelques exceptions près, une crainte de se compromettre qui me parut tout à fait digne du régime actuel de la France. Et même, il faut en convenir, quand les Français ont peur, ils sont plus excusables, car sous l'empereur Napoléon, il s'agit au moins de l'exil, de la prison ou de la mort. Le gouverneur de Moravie, homme d'ailleurs fort estimable, m'annonça qu'on m'ordonnait de traverser la Galicie le plus vite possible, et qu'il m'était interdit de m'arrêter plus de 24 heures à Landshut, où j'avais l'intention d'aller. Landshut est la terre de la princesse Lubomirska, sœur du prince Adam Czartoryński, maréchal de la confédération polonaise que les troupes autrichiennes allaient soutenir. La princesse Lubomirska était elle-même généralement considérée par son caractère personnel et surtout par la généreuse bienfaisance avec laquelle elle se servait de sa fortune. De plus, son attachement à la maison d'Autriche était connu, et quoique polonaise, elle n'avait point pris part à l'esprit d'opposition qui s'est toujours manifesté en Pologne contre le gouvernement autrichien. Son neveu et sa nièce, le prince Henri et la princesse Thérèse, avec qui j'avais le bonheur d'être lié, sont doués, l'un et l'autre, des qualités les plus brillantes et les plus aimables. On pouvait sans doute les croire très attachés à leur patrie polonaise. Mais il était alors assez difficile de faire un crime de cette opinion, quand on envoyait le prince de Schwarzenberg à la tête de 30 000 hommes se battre pour le rétablissement de la Pologne. À quoi n'en sont pas réduits ces malheureux princes à qui l'on dit sans cesse qu'il faut obéir aux circonstances? C'est leur proposer de gouverner à tout vent. Les succès de Bonaparte font envie à la plupart des gouvernants d'Allemagne. Ils se persuadent que c'est pour avoir été trop honnêtes gens qu'ils ont été battus, tandis que c'est pour ne l'avoir point été assez. Si les Allemands avaient imité les Espagnols, s'ils s'étaient dit « quoi qu'il arrive, nous ne supporterons pas le joug étranger », ils seraient encore une nation, et leur prince ne traînerait pas dans les salons, je ne dis pas de l'empereur Napoléon, mais de tous ceux sur lesquels un rayon de sa faveur est tombé. L'empereur d'Autriche et sa spirituelle compagne conservent sûrement autant de dignité qu'ils le peuvent dans leur situation. Mais cette situation est si fausse en elle-même qu'on ne peut la relever. Aucune des actions du gouvernement autrichien en faveur de la domination française ne saurait être attribuée qu'à la peur, et cette muse nouvelle inspire de tristes chants. J'essayais de représenter au gouverneur de Moravie que, si l'on me poussait ainsi, avec tant de politesse, vers la frontière, je ne saurais que devenir n'ayant pas mon passeport russe, et que je me verrais contrainte, ne pouvant ni revenir ni avancer, à passer ma vie à Brody, ville frontière entre la Russie et l'Autriche, où les Juifs se sont établis pour faire le commerce de transport d'un empire à l'autre. « Ce que vous me dites est vrai, » me répondit le gouverneur, « mais voici mon ordre. » Depuis quelque temps, les gouvernements ont trouvé l'art de persuader qu'un agent civil est soumis à la même discipline qu'un officier. La réflexion, dans ce second cas, est interdite, ou du moins, elle trouve rarement sa place. Mais on aurait de la peine à faire comprendre à des hommes responsables devant la loi, comme le sont tous les magistrats en Angleterre, qu'il ne leur est pas permis de juger l'ordre qu'on leur donne. Et qu'arrive-t-il de cette servile obéissance? Si elle n'avait que le chef suprême pour objet, elle pourrait encore se concevoir dans une monarchie absolue. Mais, en l'absence de ce chef ou de celui qui le représente, un subalterne peut abuser à son gré de ses mesures de police, infernale découverte des gouvernements arbitraires, et dont la vraie grandeur ne fera jamais usage. Je partis pour la Galicie, et cette fois, je l'avoue, j'étais complètement abattu. Le fantôme de la tyrannie me poursuivait partout. Je voyais ces Allemands que j'avais connus si honnêtes, dépravés par la funeste mésalliance qui semblait avoir altéré le sang même des sujets, comme celui de leur souverain. Je crus qu'il n'y avait plus d'Europe que par-delà les mers ou les Pyrénées, et je désespérais d'atteindre un asile selon mon âme. Le spectacle de la Galicie n'était pas propre à ranimer les espérances sur le sort de la race humaine. Les Autrichiens ne savent pas se faire aimer des peuples étrangers qui leur sont soumis. Pendant qu'ils ont possédé Venise, la première chose qu'ils ont faite a été de défendre le carnaval, qui était devenu, pour ainsi dire, une institution, tant il y avait de temps qu'on parlait du carnaval de Venise. Les hommes les plus roides de la monarchie furent choisis pour gouverner cette ville joyeuse. Ainsi, les peuples du Midi aiment-ils presque mieux être pillés par des Français que régentés par des Autrichiens. Les Polonais aiment leur patrie comme un ami malheureux. La contrée est triste et monotone, le peuple ignorant et paresseux. On y a toujours voulu la liberté, on n'a jamais su l'y établir. Mais les Polonais croient devoir et pouvoir gouverner la Pologne, et ce sentiment est naturel. Cependant, l'éducation du peuple y est si négligée, et toute espèce d'industrie lui est si étrangère, que les Juifs se sont emparés de tout le commerce, et font vendre aux paysans, pour une provision d'eau-de-vie, toute la récolte de l'année prochaine. La distance des seigneurs aux paysans est si grande, le luxe des uns et l'affreuse misère des autres offrent un contraste si choquant que probablement les Autrichiens y ont apporté des lois meilleures que celles qui existaient. Mais un peuple fier, et celui-ci l'est dans sa détresse, ne veut pas qu'on l'humilie, même en lui faisant du bien, et c'est à quoi les Autrichiens n'ont jamais manqué. Ils ont divisé la Galicie en cercles, et chacun de ces cercles est commandé par un fonctionnaire allemand. Quelquefois, un homme distingué se charge de cet emploi, mais le plus souvent, c'est une espèce de brutal pris dans les rangs subalternes, et qui commande despotiquement au plus grand seigneur de la Pologne. La police qui, dans les temps actuels, à remplacer le tribunal secret, autorise les mesures les plus oppressives. Or, qu'on se représente ce que c'est que la police, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus subtil et de plus arbitraire dans le gouvernement, confié aux mains grossières d'un capitaine de cercle. On voit, à chaque poste de la Galicie, trois espèces de personnes accourir autour des voitures des voyageurs, les marchands juifs, les mendiants polonais et les espions allemands. Le pays ne semble habité que par ces trois espèces d'hommes. Les mendiants, avec leur longue barbe et leur ancien costume sarmate, inspirent une profonde pitié. Il est bien vrai que s'ils voulaient travailler, ils ne seraient plus dans cet état, mais on ne sait si c'est orgueil ou paresse qui leur fait dédaigner le soin de la terre asservie. On rencontre sur les grands chemins des processions de femmes et d'hommes portant l'étendard de la croix et chantant des psaumes. Une profonde expression de tristesse règne sur leurs visages. Je les ai vus quand on leur donnait, non pas de l'argent, mais des aliments meilleurs que ceux auxquels ils étaient accoutumés, regarder le ciel avec étonnement, comme s'ils ne se croyaient pas faits pour jouir de ces dons. L'usage des gens du peuple en Pologne est d'embrasser les genoux des seigneurs quand ils les rencontrent. On ne peut faire un pas dans un village sans que les femmes, les enfants, les vieillards vous saluent de cette manière. On voit, au milieu de ce spectacle de misère, quelques hommes vêtus en mauvais frac qui espionnaient le malheur, car c'était là le seul objet qui pût s'offrir à leur vue. Les capitaines de cercle refusaient des passeports aux seigneurs polonais, dans la crainte qu'ils ne se vissent les uns les autres ou qu'ils n'allassent à Varsovie. Ils obligeaient ces seigneurs à comparaître tous les 8 jours pour constater leur présence. Les Autrichiens proclamaient ainsi de toutes les manières qu'ils se savaient détestés en Pologne. Et ils partageaient leurs troupes en 2 moitiés, l'une chargée de soutenir au dehors les intérêts de la Pologne, et l'autre qui devait au-dedans empêcher les Polonais de servir cette même cause. Je ne crois pas que jamais un pays ait été plus misérablement gouverné, du moins sous les rapports politiques, que ne l'était alors la Galicie. Et c'est apparemment pour dérober ce spectacle au regard qu'on était si difficile pour le séjour, ou même pour le passage des étrangers dans ce pays. Voici la manière dont la police autrichienne se conduisit envers moi pour hâter mon voyage. Il faut, dans cette route, faire viser son passeport par chaque capitaine de cercle. Et de 3 postes l'une, on trouvait l'un de ces chefs-lieux de cercle. C'est dans les bureaux de la police de ces villes que l'on avait fait placarder qu'il fallait me surveiller quand je passerais. Si ce n'était pas une rare impertinence que de traiter ainsi une femme et une femme persécutée pour avoir rendu justice à l'Allemagne, on ne pourrait s'empêcher de rire de cet excès de bêtise qui fait afficher en lettres majuscules des mesures de police dont le secret fait toute la force. Cela me rappelait M. de Sartines, qui avait proposé de donner une livrée aux espions. Ce n'est pas que le directeur de toutes ces platitudes n'ait, dit-on, une sorte d'esprit, mais il a tellement envie de complaire au gouvernement français qu'il cherche surtout à se faire honneur de ses bassesses le plus ostensiblement qu'il peut. Cette surveillance proclamée s'exécutait avec autant de finesse qu'elle était conçue. Un caporal ou un commis, ou tous les deux ensemble, venaient regarder ma voiture en fumant leur pipe. Et, quand ils en avaient fait le tour, ils s'en allaient, sans même daigner me dire si elle était en bon état. Ils auraient du moins, alors, servi à quelque chose. J'avançais lentement pour attendre le passeport russe, mon seul moyen de salut dans cette circonstance. Un matin, je me détournais de ma route pour aller voir un château ruiné qui appartenait à la princesse maréchale. Je passais pour y arriver par des chemins dont on n'a pas l'idée sans avoir voyagé en Pologne. Au milieu d'une espèce de désert que je traversais seul avec mon fils, un homme à cheval me salua en français. Je voulus lui répondre, il était déjà loin. Je ne puis exprimer l'effet que produisit sur moi cette langue amie dans un moment si cruel. Ah ! Si les Français devenaient libres, comme on les aimerait ! Ils seraient les premiers, eux-mêmes, à mépriser leurs alliés de ce moment-ci. Je descendis dans la cour de ce château tout en décombre. Le concierge, sa femme et ses enfants vinrent au-devant de moi et embrassèrent mes genoux. Je leur avais fait savoir par un mauvais interprète que je connaissais la princesse Lubomirska. Ce nom suffit pour leur inspirer de la confiance. Ils ne doutèrent point de ce que je disais, bien que je fusse arrivé dans un très mauvais équipage. Ils m'ouvrirent une salle qui ressemblait à une prison, et, au moment où j'y entrai, l'une des femmes vint y brûler des parfums. Il n'y avait ni pain blanc ni viande, mais un vin exquis de Hongrie, et partout des débris de magnificence se trouvaient à côté de la plus grande misère. Ce contraste se retrouve souvent en Pologne. Il n'y a pas de lit dans les maisons mêmes où règne l'élégance la plus recherchée. Tout semble esquisse dans ce pays, et rien n'y est terminé. Mais ce qu'on ne saurait trop louer, c'est la bonté du peuple et la générosité des grands. Les uns et les autres sont aisément remués par tout ce qui est bon et beau, et les agents que l'Autriche y envoie semblent des hommes de bois au milieu de cette nation mobile. Enfin, mon passeport de Russie arriva, et j'en serai reconnaissante toute ma vie, tant il me fit plaisir. Mes amis de Vienne étaient parvenus, dans le même moment, à écarter de moi la maligne influence de ceux qui croyaient plaire à la France, en me tourmentant. Je me flattais, cette fois, d'être tout à fait à l'abri de nouvelles peines. Mais j'oubliais que la circulaire, qui ordonnait à tous les capitaines de cercle de me surveiller, n'était pas encore révoquée, et que c'était directement du ministère que je tenais la promesse de faire cesser ces ridicules tourments. Je crus pouvoir suivre mon premier projet et m'arrêter à Lanzhout, ce château de la princesse Lubomirska, si fameuse en Pologne, parce qu'il réunit tout ce que le goût et la magnificence peuvent offrir de plus parfait. Je me faisais un grand plaisir d'y revoir le prince Henri Lubomirski, dont la société, ainsi que celle de sa charmante femme, m'avait fait passer à Genève les moments les plus doux. Je me proposais d'y rester 2 jours et de continuer ma route bien vite, puisque de toutes parts on annonçait la guerre déclarée entre la France et la Russie. Je ne vois pas trop ce qu'il y avait de redoutable pour le repos de l'Autriche dans mon projet. C'était une bizarre idée que de craindre mes relations avec les Polonais, puisque les Polonais servaient alors Bonaparte. Sans doute, et je le répète, on ne peut les confondre avec les autres peuples tributaires de la France. Il est affreux de ne pouvoir espérer la liberté que d'un despote, et de n'attendre l'indépendance de sa propre nation que de l'asservissement du reste de l'Europe. Mais enfin, dans cette cause polonaise, le ministère autrichien était plus suspect que moi, car il donnait ses troupes pour la soutenir, et moi je consacrais mes pauvres forces à proclamer la justice de la cause européenne, défendue alors par la Russie. Au reste, le ministère autrichien et les gouvernements alliés de Bonaparte ne savent plus ce que c'est qu'une opinion, une conscience, une affection. Il ne leur reste, de l'inconséquence de leur propre conduite et de l'art avec lequel la diplomatie de Napoléon les a enlacés, qu'une seule idée nette, celle de la force. Ils font tout pour lui complaire.